Dimanche 18 août, Madame, Monsieur, bienvenue à l'écoute de cette édition. Voici le sommaire. Des habitants de la zone Kizouk en commune et province Rumonge estiment que la commune et province Rumonge devraient subventionner le matériel scolaire. Des motards de la province Bururi saluent la distribution du carburant, bien que des zones d'ombre persistent, vous l'entendrez dans cette édition. Et la chronique nutrition de ce dimanche nous parle des vertus du concombre. Le président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa dirige officiellement dès ce samedi la SADC qui succède à l'Angola. Et en France, la légende du cinéma français Alain Delon s'est éteint ce dimanche à l'âge de 88 ans. Vous l'entendrez dans cette édition mise en onde par François Akiman. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Que ce soit la commune Rumonge ou la province Rumonge, aucune institution n'est apte à subventionner le matériel scolaire selon le Léonard Niyonsaba, gouverneur de cette province, qui s'exprimait mercredi lors de la clôture en zone Kizouka de ses descentes dans différentes zones de cette province. Il explique que la matière première utilisée notamment dans la fabrication des cahiers est importée de l'extérieur, et cela en devise, ce qui rend élevé le coût de production. C'est au moment où certains parmi les habitants de Kizouka estiment que la commune Rumonge a assez de moyens financiers pour exécuter ce projet. Les détails avec Jean-Pierre Misago. Ceux-là qui veulent qu'il y ait des points de vente en commune Rumonge, du matériel scolaire et des uniformes subventionnés estiment que la commune Rumonge est assez nantie pour exécuter ce projet. Réagissant à propos sommes les crédits en zone Kizouka, au dernier jour de ses descentes dans les différentes zones de la province Rumonge, Léonard Niyonsaba, gouverneur de cette province, n'y va pas par quatre chemins. Selon lui, la commune Rumonge, encore moins la province Rumonge, ne peut s'aventurer sur ce terrain. En effet, selon lui, il n'y a pas de budget alloué à cela, ni à la commune Rumonge, ni à la province Rumonge. Par ailleurs, poursuit le gouverneur de Rumonge, la matière première utilisée notamment dans la fabrication de ces cahiers est importée, et cela en devise. Pour Léonard Niyonsaba, l'axe principal pour arriver à la chute des prix pratiqués sur le matériel scolaire serait l'augmentation de la production, surtout des cultures d'exportation, afin d'obtenir en contrepartie des devises, lesquelles devises pourraient même aider le Burundi à se doter de ses propres industries. Jean-Pierre Misago de Rumonge, Radio Isanganiro. Restons au sud du Burundi, cette fois-ci en province Bururi, pour parler de ces motards œuvrant en commune Bururi qui saluent la façon dont le carburant a été distribué ce samedi à la station Kaze du chef-lieu de cette province. Moins de bidons ont été servis contrairement à ces derniers jours. Toutefois, ils demandent que seuls les véhicules alignés soient servis par ordre d'arrivée, puisqu'ils ont constaté qu'il y en a qui sont toujours autorisés de passer à côté pour être servis en premier. Le point avec Zenon Zambimana. Le carburant de type essence était disponible ce samedi à la station Kaze du chef-lieu de la province de Bururi. Selon les conducteurs des motos assurant le transport, ce carburant a été servi dans la transparence et moins de bidons ont été servis par rapport à ces derniers jours où la grande quantité de carburant était servie dans les bidons. Allez, j'ai mieux s'est remarqué ce samedi pendant la distribution de ce carburant car presque tous les véhicules qui étaient sur place ont été servis selon toujours les mêmes sources. Toutefois, ces motards déplorent l'injustice remarquée que ce samedi à cette station où certains véhicules de l'État dépassaient d'autres véhicules pour être servis en premier lieu. Ils demandent que tous les véhicules, sauf quelques cas d'exception, soient servis par ordre d'arrivée en respectant l'ordre sur les lignes d'attente. À part le carburant servi ce samedi, aucune station du chef-lieu de la province de Bururi n'avait de carburant de type essence depuis plus de 3 semaines. Les conducteurs des véhicules assurant le transport en commun, de même que leurs clients, demandent que le carburant soit toujours disponible. Depuis Bururi, Zenon Zabimana pour la radio Isanganiro. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Poursuivons cette édition. Le Conseil des ministres tenu mercredi de cette semaine a analysé la politique nationale de la population du Burundi pour faire face à la dynamique démographique et relever les défis du développement durable du Burundi qui en résulte. Dans un extrait du compte rendu de ce Conseil des ministres, Jérôme Niyonzima, secrétaire général de l'État, fait savoir qu'il a été suggéré d'organiser d'abord un atelier national à l'intention de toutes les parties prenantes afin d'échanger sur l'état des lieux de la famille au Burundi et par la suite élaborer une politique de la population tenant compte des avis des uns et des autres. Suivez. En 2022, la population burundaise était estimée à 12,828 millions d'habitants et pourrait atteindre facilement 14,9 millions d'habitants en 2030. Pour une population à majorité agricole, les conséquences de son évolution rapide sont nombreuses et variées, notamment sur les plans de la protection sociale, de la santé, de l'éducation, de l'emploi, de l'eau potable et de l'assainissement, de l'agriculture et de l'élevage et bien plus. Pour faire face à ces multiples défis, le gouvernement a élaboré et mis en œuvre des outils de programmation dans plusieurs domaines. Ces outils ont chaque fois montré l'importance de l'élaboration d'une politique nationale de la population pour faire face à la dynamique démographique et relever les défis de développement durable du Burundi qui en résultent. C'est dans ce cadre que cette politique nationale de la population est proposée. Après échange et débat, le Conseil des ministres a suggéré d'utiliser l'approche participative en utilisant d'abord un atelier national qui réunirait toutes les parties prenantes afin d'échanger sur l'état des lieux de la famille au Burundi et pour la suite élaborer une politique de la population qui tient compte des avis des uns et des autres. Jérôme Niyonzima, secrétaire général du gouvernement. Une fois une complémentarité des acteurs dans l'éducation nutritionnelle au Burundi a ainsi évité des chevauchements des intervenants en cette matière. Un clin d'œil du chargé des programmes à l'Organisation onusienne de l'alimentation et de l'agriculture FAO lors de la présentation et validation du cadre de la programmation pays 2024-2027 vendredi. Apollinaire Masuguru a indiqué que cette éducation avait débuté avec des résultats, mais que le projet n'a pas continué indépendamment de la volonté de cette organisation de l'agriculture et de l'alimentation. Suivez. On a parlé d'éducation nutritionnelle à un certain moment. Je crois que vous savez qu'on avait commencé avec les foyers d'apprentissage et de réhabilitation nutritionnelle qui donnaient un peu de résultats. Il y avait un conflit à un certain moment avec les projets de la FAO et voilà et le mini-santé qui disent que ah, ça c'est du ressort du ministère de la Santé, il ne revient pas. Je crois qu'à un certain moment, dans une des provinces, nos équipes sur terrain, ils ont eu des handicaps. Encore une fois, c'est un problème de coordination. Après, la situation s'est normalisée. Mais ils disaient qu'il ne faut pas aller. Il faut se mettre ensemble avec les autres partenaires pour ne pas faire la même chose dans la même zone. Il faut vraiment une coordination pour une éducation nutritionnelle. Le pays regorgeait de beaucoup de une diversité d'aliments, au moins 7 groupes d'aliments, mais on ne consomme que 2 ou 3. Apollinaire Masuguru, chargé des programmes à la FAO. Parlons sport avant de suivre la chronique de ce dimanche ainsi que l'actualité en international. Une lourde défaite a été enregistrée par le club de football Vitalo. Il s'est incliné à ce samedi face à Young Africans de la Tanzanie, 4-0. Le soir de ce samedi, c'est lors du match aller du premier tour préliminaire de la Ligue des champions d'Afrique. Le club de Vitalo était à domicile, même si le match s'est disputé à Dar es Salaam. Cela faisant suite au manque de terrain remplissant les conditions de la Confédération africaine de football au Burundi. Des terrains de la Tanzanie étant le recours pour les clubs burundais, y compris même l'équipe nationale Inhamba Murugamba, lorsqu'il s'agit de championnats internationaux. Le match retour est aussi programmé à Dar es Salaam. La semaine prochaine, Vitalo sera l'invité de Young Africans. Radio Isanganiro, chronique nutrition. Le concombre est un aliment alcalinisant, source de vitamines et de minéraux importants, indique Jean-Paul Wineza, chercheur nutritionniste. C'est un aliment qui contribue à réguler la tension artérielle grâce à sa teneur en minéraux et aux traces de sodium. Plus de détails dans cette chronique nutrition avec Jean-Marie Mayong. Le concombre est un aliment riche en minéraux et en vitamines. Selon Jean-Paul Wineza, chercheur nutritionniste, le concombre possède de nombreuses vitamines et des sels minéraux importants tels que vitamines K, B et C. Le concombre raffermit beaucoup d'eau, mais le concombre ne contient pas assez de graisse et aussi assez de protéines. Le concombre renferme d'autres éléments très essentiels à notre organisme. Il contient de la vitamine A et aussi les vitamines du groupe B, les vitamines C et la vitamine E. Ces vitamines que je viens de citer, ce sont des vitamines qui agissent comme des antioxydants, comme même des baleines, comme un baleine, pour rayer tous les microbes, tous les radicaux libres, toutes les maladies qui peuvent quand même attaquer l'organisme humain. Il signale que le concombre intervient dans la prévention de différents types de cancers. Jean-Paul Wineza dit que les personnes diabétiques peuvent consommer beaucoup plus le concombre, de même que les personnes qui veulent perdre du poids. Le concombre joue un rôle vraiment très important, laxatif, pour des personnes qui ont des constipations. Ils doivent faire recours au concombre. Aussi, les personnes qui présentent assez d'acide hydrique, ces personnes aussi doivent manger ou bien consommer des concombres en abondance. Les personnes aussi qui souffrent de l'obésité, car il apporte très peu de kilocalories, les concombres quand même va favoriser la perte de poids. En fait, la personne alors obèse doit quand même consommer du concombre en abondance. Les personnes aussi diabétiques, grâce à sa pauvreté en hydrates de carbone et au fait qu'il apporte une certaine quantité de vitamines et aussi de minéraux, le concombre, c'est un bon aliment pour les personnes diabétiques et ça va favoriser les personnes diabétiques à ne pas avoir l'excès de sucre au niveau de ça ou bien au niveau de la circulation sanguine. Quant à sa consommation, ce chercheur propose que quelqu'un qui veut consommer ce fruit peut le consommer étant cru ou le mélanger avec d'autres légumes. Le concombre doit être consommé étant cru, fait sous forme de jus ou bien en salade. Peut mélanger avec d'autres légumes ou bien d'autres fruits. Même en salade, il faut quand même mélanger avec des concombres parce que les concombres contient beaucoup des antioxydants que je viens de vous citer. Le concombre est originaire d'Inde et plus précisément de l'Himalaya et est cultivé depuis 3000 ans en Asie occidentale. En actualité africaine, d'abord, dès ce samedi 17 août, le président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa a officiellement pris les rênes pour un an de la communauté de développement d'Afrique australe SADC lors du 44e sommet annuel qui s'est déroulé à Harare. Il succède à l'Angola et passera ensuite le bâton l'année prochaine. Au Madagascar, ce 44e sommet était axé sur l'appel à la paix dans la région. Dans leur communiqué conjoint, les États se sont félicités de la médiation menée par l'Angola pour obtenir un cessez-le-feu entre Kinshasa, membre de la SADC, et Kigali. Ils ont de plus réaffirmé leur soutien inébranlable pour promouvoir et consolider la paix, la sécurité et la stabilité. Et en France, en page nécrologique, Alain Delon, légende du cinéma français, est mort. Il s'est éteint à l'âge de 88 ans ce dimanche. Il est né en 1935 et est venu au cinéma presque par hasard. On reconnaîtra dans ses titres notamment Le plein soleil de 1960, La piscine de 1969, Le samouraï de 1967, Zorro de 1975, Le guépard de 1963, Rocco et ses frères de 1960. C'est par ici que je mets un point final à cette édition. Merci Madame, Monsieur de l'avoir suivi. Merci également à François Kimana qui a assuré la mise en onde. Très bonne journée dominicale à tous. Au revoir.